Élément. Tac, là ça enregistre. Et là ça enregistre. Allô, allô. Bonsoir. Attends, je sais pas si toi je t'entends. Attends. Vas-y, cause que je vois ce que ça donne. Bonsoir. Ouais, est-ce que tu m'entends? Bah, ça a l'air d'être pas si mal. Hein. Bon, bah écoute. Ouais, t'as l'air un peu lointain, mais. Je suis un peu lointain. Ouais, en fait, faudrait effectivement. Je suis peut-être là, dans ton. Dans ta... j'en profite pour dire bonsoir. Nous sommes. Pour dire bonsoir. Nous sommes arrivés à passer. À côté de Rennes. Je ne fais que passer. Ma route. Je l'ai. Nous sommes arrivés à passer. Donc nous, alors déjà, nous sommes le samedi. Samedi 5 octobre. Nous sommes à passer du côté de Rennes pour la deuxième journée des Lunatiques. Un festival que Bob et Parsi m'ont beaucoup vendu. Ainsi que Seb d'ailleurs. Seb nous avait dit c'est vachement bien. Et donc on s'est dit pourquoi n'irions-nous pas cette année pour. Tous ensemble en mode Road to Hellfest, donc Road to les Lunatiques, c'est ça. Afin de faire un petit report. D'ailleurs, il y a Parcimonie qui est pas loin et Tonaï qui est un petit peu plus loin. Car, comme vous le savez souvent, on fait des départs à l'arrache, on n'est pas préparé et tout. Et bien, pour vous dire, ce matin, on va dire aux alentours de 10-11 heures, on ne savait pas encore à quelle heure on partait. Et surtout, on pensait qu'on partait complètement différemment. Laissez-moi vous conter l'histoire de Tonaï, ce gars qui nous a dit dans la semaine, écoutez les gars, sans déconner, je bosse demain. Donc on a dit, oh le gars est courageux. Ouais, quoi. Je bosse le dimanche. Je bosse dimanche, je fais le SAM, je vous emmène, moi je boirai pas, il n'y a pas de souci si vous voulez profiter. Nous, hyper contents. Bah ouais, carrément. Merci gars, ça fait trop plaisir. Ouais, franchement, c'est avec plaisir qu'on va faire ça, on fait comme ça, on y va, tu nous emmènes. Puis aujourd'hui, on s'envoie des messages avec Bob dans notre discussion commune à tous. Et puis il se dit, alors on part à quelle heure? Bob me dit, 14h30, je fais pour un truc qui commence à 16h. Franchement, 1h30 de route, c'est chaud, quoi. Tu me fais... Ouais, j'ai dit 14h. Voilà, il m'a dit 14h pour être bien. Voilà. Se garer de... Et pas de nouvelles de Tonaï. Et puis on attend, on vit un peu tous notre vie, on va à des endroits, on s'envoie toujours des petits messages. Et Tonaï arrive et dit, je vous appelle à 14h. Je suis au boulot en ce moment. Je fais putain, tu bosses aujourd'hui et en plus demain, t'es vraiment courageux comme mec. La route, Rennes, tout ça. Putain, respect quoi, ouais. Respect. Et là, c'est là que Tonaï nous dit alors peut-être qu'en fait, je me suis trompé et que je pensais que c'était un concert à Saint-Lô qu'on allait voir, pas à Rennes. Mais le concert de Saint-Lô, je suis toujours motivé pour vous emmener. Hein. Je fais oui, donc quand on t'a dit 90% des places vendues, dépêche-toi d'acheter ta place, tu ne l'as pas fait. Je fais, si, pour le concert de Saint-Lô. Pas pour les Lunatiques. Pas pour les Lunatiques. Voilà. Voilà. Donc on a dû changer nos plans, se réadapter en disant du coup, si c'est pas Tonaï qui nous emmène, c'est quelqu'un d'autre. Sachant que dans la dynamique, Bob actuellement est dans l'incapacité de conduire pour cause de douleur au bras. C'est la coiffe. C'est. Du coup, il me restait plus que moi. Mais on a quand même réussi à se démerder pour venir. On a fait du stop. Exactement. Et puis, ça s'est plutôt bien passé. Non, je ne peux pas tendre le bras, du coup. Ouais, voilà. Non, c'est bon, j'ai conduit. Ça s'est très bien passé. Nous sommes arrivés. Mais comme nous restons des gens à l'arrache, là, le premier concert commençait à 16h jusqu'à 16h45. Il est 16h52. Donc, on a raté au final. On a donc. Non, il est 16h40 le premier. 16h40 le premier. Et il est 16h52. On a donc officiellement raté le premier concert. Et la première partie du deuxième. Et le début du deuxième, oui, parce qu'en plus, Parcimonie est parti essayer de trouver quelque chose à manger dans une boulangerie un peu plus loin. Parce qu'elle est sortie avec une canne à pêche. À mon avis, on n'a pas fini d'attendre. Hein. Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est que elle avait faim. Parce que quand je suis arrivé à 14h15, déjà avec un peu de retard pour partir, elle m'a dit j'ai pas mangé, on est à la bourre. Donc ce qu'on a fait, c'est que perdu pour perdu, on s'est posé, on a bu un café. Et puis et donc on est parti aux alentours de 15h, ce qui fait que on ne pouvait pas arriver au début. 16h30 hein. Donc voilà, mais enfin là on est arrivé, donc on va bientôt rentrer et aller voir ce qui se passe sur place. On essaiera de vous reprendre dans la soirée. On essaiera de faire ça en espérant que ça s'entende bien. Oui. Et si jamais au final le son est dégueulasse, je leur dirai venez, on se retrouve, on fait une soirée et on en parle autour de micro plus proprement. Exactement. Revoilà Parsi. Revoilà Parsi. Voilà Parsi avec des choses dans la main. J'espère qu'elle a l'air d'avoir plein de choses. Acheter des trucs. Bon. On va quand même attendre 40 pour qu'elle dise bonjour aux gens. Ouais. Tu sais, on va lui mettre devant le fait accompli. Dis bonjour aux gens et puis voilà. Alors maintenant le tout c'est de meubler. Ouais, alors je pourrais très bien vous dire quel groupe on va voir, mais ça serait trop facile. Alors si je peux vous dire le groupe qu'on a raté. Ah ça on peut. Alors je peux. On a raté Black Bill, qui est du post-metal de l'Orient. Voilà, donc profondément influencé par des groupes comme King Woman, Cult of Luna, Amenra ou encore Outbreaker, les Lorientais ne pouvaient que nous taper l'œil et les oreilles. Leur premier album, L'Oratoire, paru chez Frozen Records en 2023, leur a ouvert les portes d'événements majeurs comme le Tyran Fête et le Post in Paris. Voilà, on a raté ça, c'est dommage, ça avait l'air chouette. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Hey, dis bonjour aux gens. Bonjour, comment ça va les gens? Est-ce que tu peux leur dire que c'est à cause de toi qu'on est en retard? Non, c'est pas vrai. Je ne suis point responsable, c'est faux. Ah bon, alors c'est à faute de qui? De la vie. De Tonaille. Voilà, c'est Tonaille le responsable. Tonaille, salaud. du coup, on vous laisse et on vous essaye de vous reprendre plus tard en espérant que ça va pour vous. Bah, tout simplement. J'espère que vous passez un bon week-end. C'est vrai, ça va? Ouais. Ça va. Est-ce que ça va? Bah, pour l'instant, ça va. Tu bon. Pris des fougas? Elle a pris des fougasses. Tiens, fougasse. Des petits cookies. Et des petits cookies. Non, des petits cookies. Un pour chacun. Je le mangerai donc. Je coupe là et je vous reprends tout à l'heure. Allez. J'ai laissé mon casque à l'arrière, donc ça va être tout à la folie, folaille. Non, sur, non. On y est. Franchement, ça me dérange pas. Regarde, on n'a pas démarré. Non, mais justement, la voiture est froide. On y va, on y va. Ah, tu préfères qu'elle chauffe un peu, toi? Ah non, on m'en fout. Ah, bah, c'est un diesel, hein, donc. À la rigueur, t'allumes le moteur et puis on met un petit peu pour éviter la buée. Ouais, que ce soit confort dans ta visibilité visuelle. Grave. Tu vois grave, hop. Alors bonsoir. Bonsoir. Ça enregistre là hein. Ça enregistre. Ah oui, j'ai déjà mis rien. D'accord. Donc non, toi, là, par contre, par si on peut pas t'entendre. Non, c'est pas ça. Faut que quand tu parles, tu demandes et le micro. Tu vas le laisser à ta poche comme ça le truc ou tu... Non, non je sais pas. C'est, pas, comme non, ça. C'est là que ça enregistre. D'accord. Ça, c'est le boîtier de liaison. D'accord. Alors, bonsoir. Bonsoir. Comment on vous retrouve? Donc embrayage. Embrayage. Clutch. Tournage. Non, enlevage. Non, vas-y. Tournage. Embrayage, tournage. Voilà, formidable. Okay. Il retient la leçon, c'est formidable. Hop. Pour ça, c'est frein. Pédale de frein. Pédale de frein. Pour. Tu appuies. Je suis sur le frein. Tu appuies sur la pédale. Bah, je suis à fond sur le pédale de frein. Ok. Par contre, voilà. Je te laisse gérer les visibilitages. Chauffe Marcel. Bonsoir. Eh oui. Oui, bah, je. Simone. Voilà. Alors là, j'imitais Guilux en fait. Hop, je peux éteindre ça, ça te pose pas de problème? Non, ça les petits plafonniers, formidable. Alors, 1h30 ou 1h47? Oh, bah, 1h30. Bah, le plus long. Non, allez. On fait un long report. Du coup, oui. Alors, hop. Alors qu'on n'a pas vu tant de groupes que ça. Hein. Pas tant. Oh, quand même, hein. Non, tu feras attention, j'ai plus de radar de recul. Tu fais bien de me le dire. il est mort depuis qu'on m'a rentré dedans. Ah ouais, ouais. Alors, du coup, lui, il me dit d'aller dans l'autre sens, en forêt. Ouais, bah regarde, là, tu... Hop là. Bah non, il n'y a pas de petit rond-point. Voilà. Non, il n'y a pas de rond-point. Là, tu prends, tu fais un grand demi-tour, là, bim. Un grand demi-tour. Et voilà, impeccable. Et c'est parti. Au top. Alors, bonsoir. Ah oui, c'est vrai que t'as ton micro, toi. Normalement, oui, j'ai mon micro, j'espère que ça enregistre bien. Donc, nous venons de quitter les Lunatiques. Alors, on va passer, exactement. Passer, exactement. On va pas se mentir, on est parti un chouï avant la 20. Il reste à peu près 2 concerts, mais on va essayer de vous expliquer pourquoi on est parti. Principalement parce qu'on voulait rentrer. Et c'est une excellente raison. Il pleut, il fait 13 degrés. Par où je vais après? Ah bah je prends par la priorité à droite, c'est ça? C'est ça. Oui, donc je conduis, donc c'est possible que j'ai des indications de roulage en cours. T'es sur quoi? Oise? Plan. D'accord, sur plan. Oui. C'est bizarre ton truc éclair si haut, non? Ça va passionner les gens, ça. Depuis qu'on vous a parlé... J'ai grande chance. Oh, putain, ça va être très compliqué, en fait. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Là, tu prends un rond-point, là, en fait, là, juste là. Ouais, tu ok, vois d'accord. Ah oui, alors là, en fait, je vais avoir beaucoup de mal à parler et conduire en même temps. Voilà, c'est ça. Alors, concentre-toi, mon ami, concentre-toi. Ouais. Une fois qu'on sera sur... sur les grands axes, ce sera plus simple. Hop. Okay. Ah, là, tu prends à droite. Hein. Ça, je l'avais, à droite. Voilà, bien à droite, là. Bien à droite, est-ce que ça bien à droite? Moi, je trouve que c'est bien à droite. Ok, c'est bien à droite. Ouais, on sent bien que c'est à droite. Donc, tout à l'heure, on vous a quitté, nous venions à peine d'arriver et nous nous dirigeons vers l'entrée. Oh, un petit chat. Petit animal. Ou un petit chien. Ou un lapin, même. Priorité à droite. C'est un lapin, effectivement. Alors, nous avions déjà raté un concert et nous nous dirigeons pour en voir un deuxième. Quoi? Non, mais... C'est à peu près ça, hein. Non, mais j'aime beaucoup tes indications. Ah bah écoute, qu'est-ce que toi tu dirais? Eh bien, je dirais la même chose, parce qu'en vrai, c'est exactement ce que nous allions faire. Et donc... T'en arrivant. C'était pour moi une découverte... Ouais, je vais jamais y arriver, en fait. Je vais jamais y arriver. Je ne vais pas y arriver. Bah, émeuble, raconte. Moi, je conduis un petit peu, voilà. Donc oui, bah écoute... On vous a laissé, comme le disait tout à l'heure notre ami Jack, l'arrivée. Un peu chaotique, voilà. En même temps, le départ est aussi chaotique, donc en même temps, c'est raccord. Donc voilà, et le premier groupe, j'ai plus le nom, parce qu'à la base, tu devais le dire. Eh ben, mais c'est marqué dans la feuille. Et c'est marqué dans la feuille. Enfin, sur la feuille. Et sur la feuille. Nous sommes suivis. Ah ouais? Donc je vais pas mettre... de plafonnier, et puis on s'en fout de toute façon. Donc, Black Bill. Non, ça c'était le premier qu'on a raté. C'était le premier qu'on a raté, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Et t'as pas mis la salle. Bah non, je vais pas... C'est pas grave. Anaï, donc qui était du coup le deuxième concert, tout dans fait. La petite salle. Tout à fait. Alors, Neptune ou je ne sais plus. Donc 16h45, 17h25, oui. Quand même, hein, oui. Petit set... plutôt pas mal. Donc c'était du folk envoûtant. Bah, si je peux me permettre, oui. tous les sets faisaient la même durée, à peu près 3 quarts d'heure. Oui, c'est ça, ouais, entre 40 et 45 minutes. C'était c'est plutôt pas mal. On va pas t'entendre, faut que tu demandes à parler par-ci. Je disais, soyons honnêtes, on n'a pas vu grand-chose de ce groupe. Attends, bah il a pas commencé à en parler. J'ai même pas commencé, putain, précoce. Donc c'est un folk envoûtant qui nous venait de Rennes. Aérienne, Inai ouvre une porte sur un monde à la fois sensible et puissant dans l'intimité de son trio, acoustique ou violoncelle. Piano et voix féminines ne font qu'un. Exactement. Inspirée par les thématiques de l'enfance, des émotions et de la liberté. Voilà, je vais pas au bon endroit. Elle puise ses... Bah, j'ai déjà fait tout à l'heure ça. Sorry. Et il a fait une bob. Ouais, deux fois je l'ai fait aujourd'hui, ça. C'est quand même pas en mal. En allant et en revenant. Donc j'en étais où? Mis à part que tu t'es fait bien klaxonner. Et ça, on va me le rappeler. On va te le rappeler. Et je te le rappellerai. Non mais t'as bien raison. Non mais écoute. Donc, qui puise justement dans l'enfance, des émotions et de la liberté, elle puise dans ses expériences et ressentis personnels pour donner vie à un univers pop teinté de l'influence d'artistes comme Björk ou Aurora. Je ne connais pas Aurora. Ça va très vite. donc voilà, est-ce qu'on a enchaîné avec Orbel? Oui, on a enchaîné avec Orbel qui oui, était dans t'as, la. T'as pas parlé de. Grande salle. Alors, on en a vu très peu, comme disait Parsi à l'instant. Je ne vois rien, ça éclaire que d'autres. Tu ne vois rien. Veux-tu un coup de main? Pourquoi? Que je te guide. Mais non, mais. Non, mais là, c'est qu'il y a trop de véhicules en fait, et du coup, trop de phares, trop de visibilité. Donc quand on sera sur les grands axes, ça va être beaucoup plus simple. Parce que là, on n'est pas sur un grand axe encore? On est sur le périph, donc c'est pas la même chose. Hein. Regarde, peut-être que la lumière te gêne aussi. Je sais pas, c'est pas censé, vas-y, fais voir. Ah, attends, on va tenter le coup. Ouais, un peu, un chou. Ah ouais, tu vois, c'est mieux hein, comme ça. Hein, le plafonnier, ça gêne toujours quand tu conduis. Non, mais en tout cas, oui, donc on est arrivé pour ce deuxième concert. Donc c'est effectivement un trio acoustique qui avait l'air assez incarné. Hein. Tout à fait. Ça chantait très bien, il y avait des petites mélodies. C'est peut-être un petit peu trop calme pour moi. Mmh. Un peu trop dans la sensibilité. Ouais, peut-être. Ouais. Ouais, un peu trop. J'ai eu du mal un peu à rentrer dedans. En plus, là, c'est là où on va sûrement commencer à parler de. De quoi? Tu me fais quoi comme Caen. Nantes. Caen. Et c'est où Caen? À gauche. Donc là, je me déporte encore là. Deuxième. Ah, je te jure que je vois pas grand-chose. Hein. Non, mais je t'aide. Hein. Non, mais c'est on est une équipe. On est une team. Et donc, on se disait des trucs à propos de ce groupe. Oui, que... Et on disait quoi, tiens, par-ci, toi qui... Bah, en fait, moi, je dirais qu'on n'a pas eu trop le temps de se faire une idée parce qu'on n'a pas vu grand-chose et on était assez loin quand même parce qu'il y avait énormément de monde et que la salle, bah, elle est très petite, en fait. Oui. Et donc, bah, c'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose. Mais après, franchement, c'était vraiment pas mal. Je pense que si on avait été là dès le début, on aurait peut-être plus facilement... Ouais, moi, je pense pas, moi. On serait plus facilement rentré dans le délire, peut-être, je sais pas. Est-ce que c'était le bon endroit pour voir ce genre de concert? Je sais pas trop, peut-être pas. Non, mais en fait, par contre, c'est vrai qu'on peut faire un petit point sur cette petite salle, cette seconde salle, qui était vraiment petite, à tel point qu'en fait, si on n'allait pas se placer très tôt, c'est-à-dire qu'il fallait quitter le précédent concert, parce que comme il n'y a que 5 minutes entre chaque concert, il fallait vraiment venir de bonne heure pour rentrer et être placé dans cette petite salle, sinon tu ne rentrais pas. Ils faisaient rentrer et sortir des gens au compte-gouttes, en fait, ils comptabilisaient, dès que ça sortait un petit peu, ils faisaient rentrer un peu, ce qui fait qu'on a, vu chaque fois dans cette salle-là, on a vu que de très loin et très peu de temps. Et pour info, j'ai parlé un peu avec une personne qui était à l'entrée de la salle. En fait, il me disait qu'il y avait 120 places dans cette petite salle-là. Et que dans la grande, en fait, il y avait 250 places. Ouais. Donc voilà, pour se donner une idée, c'est vrai que ça va vite. Et ça reste un petit festival quand même à taille humaine. Hein, parce que, plus qu'à taille humaine. Ouais. Mais, alors, du coup... Mais moi, j'étais plus en fait dans les influences du groupe en elle-même. Ouais. En fait, c'est ça que je pensais que tu allais dire, par-ci. Parce qu'on s'est fait la remarque, en fait, musicalement, ça nous a fait penser fortement à l'influence. Ouais, les ailes. Exactement, un groupe canet signé chez Tôt ou Tard, je crois, de mémoire. Mais voilà, vraiment au niveau du piano et de la, des rythmiques violoncelle piano. Après, les thématiques abordées ne sont pas du tout dans la même chose, mais enfin de ce que j'en ai entendu, le peu qu'on a entendu, ouais, mais vraiment musicalement, ça m'a vraiment fait penser aux ailes, mais voilà, à les ailes. Pardon. Donc voilà, je vais être obligé de soit m'éclairer avec la lumière de la ville, ou alors, donc nous avons enchaîné avec Orbel, donc dans la grande salle en fait, hein, de 250. Tu vois, je t'avais dit, regarde, le périph, il y a du monde, plein de monde. Donc, qui sont passés de 17h30 à 18h10. Et c'était un groupe de trip-hop, post-rock, de Bayonne. Oui, ils l'ont dit, ouais. Ils l'ont dit, exactement. Entre trip-hop, post-rock, indus, le tout chanté en langue basque. Mmh. Orbel est un projet que l'on peut qualifier d'inclassable. Leur musique se vit comme une expérience hypnotique au cours de laquelle le corps est directement mis à contribution. Pardon, des rythmiques tribales servant de support à des mélodies et des textures envoûtantes, parfois dérangeantes, de ces moments hors du temps dont on ne sort pas indemne. C'est en vrai. Es-tu sorti indemne? Alors, mon bon Jack. En dehors du fait que la conduite se passe à peu près bien. Alors le problème c'est le mot trip-hop hein, dans ce que tu dis, hein, ça fait triper, hein, vraiment. C'est ça. Et moi je ne tripe pas. Donc j'ai trouvé ça pas inintéressant la proposition, c'est juste que toute la partie trip-hop m'a laissé complètement en dehors moi. Mais j'ai trouvé que c'était hyper bien fait, hyper bien interprété, vraiment ça chantait bien. Je comprends, je trouve le projet bien vraiment réussi. Mais moi, un peu comme le précédent groupe, je suis un peu resté en dehors. C'est pas vraiment ce que j'écoute, c'est pas ma cam, mais du coup j'ai pas du tout été client de la chose, même si je reconnaissais que c'était très très bien fait. Et par contre, il y avait des jolies lumières dans cette grande salle que je découvrais, donc elle est effectivement un peu plus grande, un peu plus belle, et là il y a de quoi vraiment mettre des groupes en valeur en tout cas. Voilà. Et petite aussi particularité, ça parce que je m'en souviens pas que vous l'ayez dit l'an passé, mais dans cette grande salle, et peut-être sûrement aussi dans la petite, mais on ne peut pas rentrer avec des verres remplis. Oui, c'est vrai qu'on l'avait pas dit. On ne peut rentrer qu'avec des verres vides. Voilà. Et par contre, tu as un système où tu peux laisser ton verre à l'entrée de la salle en mettant ton nom sur un petit papier pour le récupérer plus tard. Donc, c'est à noter quand même. C'est vrai. Et d'où le côté humain du festival. Voilà. Voilà. Vraiment, là, tu laisses ton petit papier avec ton petit nom sur ton verre et tu le retrouves à la sortie. C'est pas tous les festivals. Tout à fait. Et toi, notre bonne partie Bah écoute, moi pour ce groupe là, j'avoue que j'ai eu du mal à rentrer dedans aussi. Je sais pas pourquoi, hein, je voudrais pas dire. Parce que bah, la trip-hop me gêne pas spécialement. Après, j'aime pas plus que ça non plus. Mais je sais pas, j'ai pas réussi à rentrer dans le délire. Après, Je sais pas pourquoi, je saurais pas expliquer. Je pense qu'il me faut toujours un petit peu de temps pour rentrer dans un truc et en fait, on avait un peu envie de faire autre chose à ce moment-là et donc voilà, je pense qu'il aurait fallu que je fasse au moins 3-4 chansons pour vraiment apprécier le truc peut-être. Et puis bah c'était pas désagréable du tout. Après, voilà, j'ai pas vraiment d'avis en fait, parce que je trouve qu'on a pas, pareil, on n'est pas resté assez longtemps pour vraiment se faire une idée du truc. Et donc voilà. Et toi, Bob, faut transmettre. Et moi, ce que j'en ai pensé, j'ai apprécié en fait les côtés un peu bruts, ouais. Rock'n'roll qui venait la colère un petit au peu. Milieu du ouais, trip-hop. voilà, c'est ça. En fait, parce que c'était pas de la trip-hop pure, c'est vraiment c'est un mélange. En fait, et les petits moments de colère guitaristique comme ça. Passait bien. Mais après, c'est vrai que c'est pareil, je suis pas un gars de la trip-hop. Donc, du coup, je décrochais un petit peu. Mais j'ai apprécié quand même le peu que j'ai vu grâce au fait justement qu'il y avait ce fameux mélange un peu torturé. C'est pour ça, c'était pas bien. Hein. C'était très bien. Ouais, non, c'était pas bien. C'était bien, bien fait, bien exécuté. Ouais, très bien, ouais. Mais ouais, c'est vraiment le côté trip-hop. Moi, c'est en fait ce qui m'a vraiment le plus gêné, c'est la batterie sur les pads. Mais ça, ouais. C'est juste parce que voilà. Batteur de. Moi, je. Mais sinon, non, c'est rien à redire dessus. Au contraire, après, j'aurais aimé peut-être découvrir un petit peu avant pour me faire vraiment un avis, ne pas être surpris. Je pense que l'effet de surprise m'a un petit peu aussi mis hors du truc parce que j'ai découvert complètement devant, en fait. Mais j'irai pas agréablement surpris, mais voilà, ça m'a pas gêné. On est quand même parti au bout de 3 morceaux. Ouais, je crois, 3-4. Voilà, 3-4 morceaux. Définitivement, c'est pas notre cas, mais c'était bien exécuté. Ensuite, nous avons enchaîné avec. Oh là, on a enchaîné non, avec. Alors, non, on a pas enchaîné. On a essayé d'enchaîner. Hein. Ouais, on l'a essayé, ouais. On était à la sortie, hein, on a. Mais voilà, cette salle est quasi impénétrable. Oui, mais du coup, c'est bizarre parce que si on est resté à ce moment-là, pourquoi on a dû sortir pour faire quelque chose du coup? Parce que. Pour Ateria Conscientia. Ah oui, ça, mais du coup, c'est bizarre. Qui était le groupe de Black Prog. Oui, mais comme on a essayé de le voir, il n'avait pas commencé normalement vu qu'on est parti avant la fin. Oui. Alors eux, par contre, ils passaient de 18h15 à 18h55 juste à... Ouais, bah oui, on est parti... Bah ouais, on n'a pas réussi, donc Non, on a été faire... Alors, je me souviens, c'est là où on a été prendre une bière et qu'on a fait un peu le tour des stands. Tout à fait, parce que oui, c'est vrai, effectivement, il y a un petit coin, exposition d'artistes hein, et de... Ouais. D'artisans. D'artisan. Voilà, c'est ça que je cherchais. D'artisans en fait qui créent des bijoux, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait un peu de déco, de la sérigraphie, du body painting. Et il y avait aussi Il y avait un stand où il y avait un vendeur de CD vinyle. Donc là je vais à droite là, par contre. Métal. Non. 1,9 km. Non, c'est pas mal. Non. Continue. Tout à fait. Continue tout droit. Donc voilà, c'est une petite pièce, hein, que pas ouais. très très grande. Non, hein, on avait du mal un peu à marcher. Hein. Ouais, voilà. Dès que t'as quelqu'un dans l'allée, t'as du mal. C'est un peu à l'image justement de tout le reste, c'est que vite ça déborde de monde là. Alors c'était complet ce soir, donc tant mieux pour le festival. Mais ouais. C'est vrai que soit ils sont victimes de leur succès et là il va falloir agrandir, soit peut-être repenser certaines choses parce que c'est vrai que ça commençait un peu à manquer de place à certains moments, quoi. Ouais. Donc mais après l'année dernière il y avait un tatoueur que je n'ai pas vu cette année. Bah là aussi il y avait un tatoueur. Si, il y en avait un si, parce dans étaient... le recoin qui était ouais. au-dessus ouais. des escaliers, c'est ça? D'accord. Bon bah je l'ai pas vu. Donc là, mais voilà. En même temps c'est vrai que c'est pas évident non plus hein, de ouais c'est bon de pouvoir tout voir tranquillement. Tu peux pas trop te balader, c'est vrai que les concerts s'enchaînent. Ça s'enchaîne très très vite. Ça ouais, s'enchaîne très très vite. Dès que tu fais une pause, c'est forcément au détriment d'un concert. Hein. C'est complètement ça. Donc là, on arrive justement au moment donné où on a voulu voir, mais on s'est pas préparé de la bonne façon pour le concert dont tu citais pour très bien. Ateria Conscientia. Voilà. Qui était donc pour moi un concert où il y avait du saxo sur album. Ouais, groupe de Black Prog. Donc là, on Nantais. On sort. Allez, moi je. Ouais, tu sors. Ouais. Par contre, je vois pas. Sors. Je vois pas du tout la route. C'est ça en fait. Ça te gêne. Je sais pas. Tu vois le petit peu, ouais. Bah attends, je peux. J'ai le mien. Il y a le tien et j'ai le mien. Ah bah là. Dès que je fais ça, est-ce que ça te. Non, ça me gêne pas là. Ça te gêne pas. Mais c'est vraiment que. Non, mais là, c'est vrai. Oui, mais la lumière en général des plafonniers, c'est une lumière blanche et ça gêne. Moi, ça me convient. Alors, qu'est-ce que Ateria Conscientia, vous me direz, hein, mis à part un groupe de Black Prog nantais. Eh bien, c'est un quintet aux influences variées qui ne souhaite pas s'enfermer dans un carcan stylistique. Le groupe propose un mélange singulier de sonorités extrêmes, progressives et psychédéliques, quelque part à la croisée d'Oranzi Pazuzu, de Mastodon et d'Enslave. Ça va, hein, petites influences plutôt pas mal. Après deux albums, Tales from Hydrate en 2018 et Corrupted Pillars of Vanity, ouais. On notera encore une fois de plus mon accent anglais. Il est merveilleux. De 2021, cet album, le groupe revient avec son troisième opus, déjà, The Blossoming. Ça opus hein, quand même. Hein. C'est vrai, ça opus pas mal. Qui est, lui, sorti en juin 2024 via Frozen Records. Eh oui, beaucoup de groupes Frozen Records. Hein. Sur le festival, tu veux dire? Ouais. Donc voilà, ben écoute, qu'est-ce que t'en as à dire de Ateria Conscientia? Eh ben qu'on a vraiment cru qu'on n'y arriverait jamais parce qu'on a fait la queue en fait pour rentrer. On a vraiment attendu parce qu'en fait pour vous dire, il y avait une queue dehors extrêmement longue qu'attendait. Et donc en fait il y a plusieurs fois on a failli abandonner. Et en fait on a réussi à rentrer quand même un petit peu. J'ai vu ça que de très loin parce que ce qu'on entendait ça rendait vraiment pas mal, ça donnait envie d'y aller. Et bah, j'aurais bien aimé voir beaucoup mieux voir le groupe. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Mais le peu que j'ai vu, j'ai trouvé ça bien. Donc, je trouvais que ça bougeait bien et tout. Donc, c'était vraiment pas mal. Il y avait une bonne énergie, il y avait un bon truc, mais il y avait tellement de monde, si peu de place, que tu as presque envie de venir. En fait, c'est un peu ce qu'on a fait à un moment donné. C'est tu viens, tu dis, bon, je reste 5 minutes et puis je laisse la place aux autres. Et c'est malheureusement un peu ce qu'on a fait. C'est exactement ça, en fait. Vraiment, quand tu rentres en fond de scène, en fond de salle, t'as un peu le sentiment de te dire bah, je regarde un morceau, puis je laisse la place aux autres parce que t'as une queue derrière en fait, de gens qui attendent de pouvoir rentrer. C'est un peu bizarre d'ailleurs de faire la queue pour pouvoir rentrer pendant un concert, mais bon, après, c'est comme ça. C'est la rançon du succès, bah, hein, c'est je pense. Hein. Parce que je me rappelle que l'année dernière, c'était pas ça. On a pu rentrer à chaque concert dans cette petite salle. Et voilà quoi. Donc c'est vrai que tu pouvais te poser la question à un moment donné, de te dire que peut-être que le groupe de trip-hop aurait peut-être aurait eu plus sa place dans l'autre sens et l'autre groupe dans la plus grande scène, mais en fait, peut-être pas non plus, hein, je veux dire, les deux étaient méritants, mais c'est vrai que tu pouvais te poser la question parce que du coup, ça avait l'air d'être. C'était rempli, blindé, mais ça bougeait pas tant que ça, quoi. Le groupe bougeait, mais pas tant le public. Pour cause de manque de place. Hein. Aussi, complètement. Je pense qu'on a aussi l'exemple sur un autre groupe. Mais tu peux demander à Parchi ce qu'elle en a pensé. Mais oui. Eh bien, je dirais que ça avait l'air bien. Mais ça avait l'air en fait. Ouais. Du coup, ouais, voilà, c'est ça. Enfin, on est resté vraiment, vraiment dans l'entrée. Ouais. Et on est rentré dans la salle. Hein. Ouais, enfin, très peu de temps. On est d'accord. En fond de salle. En fond de salle. J'ai jamais vu autre chose que le fond de salle, moi. Donc. Ouais, dans cette pièce-là, c'est vrai en fait. Mais oui, ça avait l'air vachement bien, donc dommage en fait. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est tellement speed entre deux concerts que franchement, faudrait limite regarder l'heure tout le temps et ouais, se dire bon, bah voilà, là c'est bon, c'est presque fini. Je vais là-bas pour pas louper le début, pour voir un peu ce que ça donne. Mais t'y penses pas dans ce genre de soirée en fait, finalement. Bah ouais, mais en fait, non, je pense que c'est malheureusement le problème de ces petits festivals, c'est que tu es obligé de faire des sacrifices, quoi. Ouais, carrément. Parce que tu ne peux pas et tout voir, tu ne peux pas et aller parler aux artistes qui sont avec leur stand de merch et manger. À un moment donné, ça coince, quoi. C'est vrai. Et justement, tu sais, le bénévole dont je parlais qui était dans l'entrée là, il me disait que bah, même pour lui, c'était un peu frustrant parce qu'avant, il pouvait un peu voir les concerts et bah, là, tellement il y a du monde, bah, c'est différent, quoi. Donc, ça se ressent aussi même pour eux. Mais bon, ils sont très contents qu'il y ait beaucoup de monde et que ce soit sold out. Mais il va falloir qu'ils fassent différemment. Même lui m'expliquait qu'ils allaient penser à faire autrement. C'est-à-dire ? T'en as pas certainement faire autrement, changer de salle en fait. Ah oui ? Tu vois ? Oui, ça c'est un peu le truc malheureusement. On peut dire aussi, parce qu'on n'a pas encore parlé, qu'il y a à un moment donné qui était à peu près là, je crois, ou juste avant qu'on essaye de rentrer, on est tombé sur Seb Touel, qui était là, oui, avec sa compagne. Donc il restait après avec nous, on a passé le reste de la soirée ensemble, et ça fait toujours très plaisir de le retrouver, de le revoir. Vous l'avez déjà croisé à un bon moment au Motocultor. Ouais. Donc non, c'était très cool. Qui nous a d'ailleurs ramené une petite bouteille de bière. Et ça, c'est très gentil aussi. Oui. Hein? De la part d'Alex. De la part d'Alex. De la part d'Alex. Ouais. Merci beaucoup Alex. Hein. Merci. C'est fort sympathique. N'hésite pas à l'avenir à recommencer. Il me semble qu'à ce moment-là, donc comme on n'arrivait pas, est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'on est parti boire la bière d'Alex, ou c'est après ? Je crois que c'est à ce moment-là. Hein. Parce que comme on n'arrivait pas, est-ce qu'il y a quoi après ? Après, on a Audisme. Non, c'est après Audisme. C'est après Audisme ? C'est après Audisme, hein, le groupe de Madcore de Lille. Ouais. Voilà. C'est quoi ? Ah ben après Audisme. Qu'on a été voir ? Tu as noté Deule. Et Deule n'ont pas joué parce qu'ils ont annulé. Mais je les ai pas barrés ? Non, tu ne les as pas barrés. Bravo ! C'est du professionnaliste. Ça pouvait pas être Deule. Donc là, c'était forcément un groupe dans la grande salle. Donc c'était Audisme alors là. Ouais, Audisme en fait, c'est le groupe de Madcore. Oui, donc, mais. Très sympathique. Est-ce que ce que je disais, c'est que pendant la fin du concert qu'on n'a pas pu voir de loin. C'était pas après Audisme justement ? Mais je sais plus. Je crois que c'était après. Hein. D'accord. Ouais, bien après. Ouais. Ok. Ah ouais. Bon. Bon, bah donc Audisme alors. Va pour Audisme. C'était avant My Diligence. D'accord. Et c'était quoi alors ? De mémoire. Donc Audisme, qui est un groupe de Madcore de Lille. Tiens, c'est marrant. C'est fou cette histoire. La symétrie caractéristique de la musique des Lillois d'Audisme transporte l'auditeur dans un univers où la révolte est inévitable en fait, hein, et où les chaînes se brisent bien sûr. La fureur mise en musique, le tic-tic-tic, ils viendront défendre, j'arrive pas à lire parce que je vois quasiment rien, ils viendront défendre leur deuxième album With the White Tiger, sorti fin 2023, non sans avoir d'abord retourné les scènes de Dour Festival et de l'Arc Tangent. Ben rien que ça en fait. Et ils venaient un peu fêter leurs 10 ans de carrière. C'est ce qu'ils ont dit sur scène. Ouais. Ça faisait aujourd'hui 10 ans que le groupe existait. Le groupe s'était créé. Et franchement, en plus, on est arrivé pour ce groupe. C'est en fait ça, on a vu la fin des balances. Et moi, tout de suite, j'ai commencé à me dire ah putain, les mecs ont l'air cool quoi. J'ai senti qu'il y avait un truc. J'ai senti qu'ils étaient très très cool quoi. Gagner un peu de patate pour essayer de le doubler. Non, je vais pas doubler en fait. Bah, double quand tu peux. Hein ? Double quand tu peux. Bah, quand j'aurai la carte. Ouais, moi, tout de suite, dès les balances, j'ai trouvé que les mecs avaient l'air super cool. Et après, le madcore, c'est toujours. Des fois, on peut être en madcore trop metalcore et tout, voire deathcore. Et là, je sais pas, quand ils ont commencé à jouer, qu'ils sont arrivés, ils ont tout de suite envoyé. Et chaque membre, je trouve, faisait bien le taf et avait son style à lui qu'il arrivait bien à défendre sur scène en mode on joue tous un truc différent mais on joue ensemble, tu vois, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ils avaient une espèce de groupe à être tous ensemble et en même temps je voyais le batteur qui avait une grosse banane et tout et non, j'ai passé un très très bon moment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'ils ont proposé, de la bonne énergie, vraiment la patate sur scène. Le chanteur qui est venu au milieu de la foule, qui a demandé aux gens de faire un circle pit autour de lui. Après, ça a été le guitariste qui a été faire une espèce de mini pogo avec les gens. Ouais. Non, vraiment top. Ouais, très très cool. Vraiment un groupe que j'ai beaucoup aimé. Un groupe très efficace. Bah, très efficace, très sympathique. Voilà quoi, la bonne recette pour passer un bon moment quoi, tout simplement. Ouais. Quoi. Non, c'était très très cool. Très très cool. Franchement très cool. Ouais. Alors bah moi j'ai beaucoup aimé aussi et en fait bizarrement je suis pas très très fan à la base de Madcore mais j'ai trouvé vraiment que ça envoyait et que tu sais c'était vachement très énervé, mais vachement positif, en fait, ouais, bizarrement. Ouais. Je sais pas, il y a un truc qui se passait, et je pense que c'est eux qui dégageaient quelque chose de très communicatif, en fait, mm-hmm. dans leur énergie et dans leur façon de bouger sur scène, ouais. aussi. Et du coup, bah, je suis vachement rentrée dedans, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, ouais, et leur show était top, franchement. Ouais, vraiment, c'était très sympa, vraiment très cool. C'était bien, et puis moi, j'aime toujours quand je vois des musiciens qui sont heureux d'être là, et ouais, ça grave. Leur faisait plaisir. Non, vraiment, des... Ouais, c'était vraiment cool. Ouais. Tu le voyais sur eux, quoi, ouais, qu'ils étaient contents. Donc, c'était vraiment ils ont la banane et deux secondes après, le chanteur s'éclate son micro sur la tête. Non, mais... Ils jouaient le jeu un peu aussi, je trouve, ouais, bah, tu sais, par rapport à la photo. Enfin, tu voyais ouais. qu'il y avait, il y avait un échange, quoi. C'est chouette, c'était cool. Donc la fin du concert est normalement, ça devait être Deul. Normalement, si je dis pas de conneries là. Ça devait être Deul. Mais Deul l'ont annulé. Et Deul l'ont annulé. Et était remplacé par le groupe, j'ai dû marquer le remplaçant. Mais... Alors, est-ce que ne serait-ce pas Kibosh? Si. 19h45, 20h25, c'est ça, Kibosh. Donc Chaotic Hardcore, c'est ça. Kibosh, qui est un groupe de metal hardcore né à Bordeaux en 2021, okay. Qui se distingue par une musique incisive et chaotique. Ouais, ouais. Leur son unique fusionne des influences variées allant du metal extrême à l'emo, ouais. Tout en conservant une énergie et une intensité résolument punk hardcore. Ouais. En juin 2023, ils sortent leur premier EP qui s'appelle It All Feels Like Knives. Mm-hmm. Qui reçoit un accueil enthousiaste. Sur scène, leurs performances sont régulièrement qualifiées de véritables rouleaux compresseurs. Bah tiens, encore. Le chaos de leur musique prenant tout son sens en live. Leur premier album, intitulé Your Favorite Curse, repousse encore plus loin les limites du genre, assurément la violence et la vulnérabilité de leur musique. Donc voilà, Chaotic Hardcore avec Kibosh. Ouais. Bon bah là autant dire la vérité tout de suite, c'est qu'on a même pas pu essayer de rentrer cette fois. Non. C'était blindé. Pourtant tout ce qu'on entendait c'était de la putain de bonne énergie. Ouais, carrément. Il y avait vraiment un truc en mode bon bah ça a l'air d'envoyer. Mais c'était encore full blindé. Donc c'est là qu'on est parti à la voiture pour boire la bière. C'est ça. Donc on a fait une petite pause en extérieur. Et quand on est revenu, on a eu le temps de jeter un petit coup d'œil rapide. Parce qu'on est quand même rentré dans ça, je me souviens avoir vu un petit peu, moi. Un petit peu, ouais, on a vu. Alors vraiment un petit peu, très, et très peu. Genre ça devait être la fin de concert ou. C'était le dernier morceau. Ouais. On est arrivé, mais ça avait l'air de vraiment envoyer avec une bonne énergie. Mais c'est des petits noms à garder, ça, hein, ouais. Justement, hein, voir justement. La bonne grosse bagarre énervée, là, ça avait l'air d'être très très sympa. Et c'est dommage, mais voilà, on. Bah, on peut pas, malheureusement, on n'a pas pu tout faire. C'est bah là, on peut pas rentrer compliqué. Dans la salle, donc c'est quand compliqué. Même un peu problématique, mais bon, on ne peut pas rentrer dans la salle. Ensuite, eh ben, on a enchaîné avec Mighty Legends, pour lequel on s'était bien placé. Hein. Ouais. On a barrière. Été se placer crash barrière hein, directement, c'était ouais. beaucoup plus simple. Oui. Donc eux, ils étaient là de 20h30 à 21h20. Mm. Mighty Legends, qui est un groupe de post-metal qui nous vient de Belgique. Et justement, la Belgique est une terre fertile et un Eldorado du post-metal. Et Mighty Legions, justement, est d'un des principaux représentants, hein, ça on peut le dire clairement. Après 3 albums remarqués et des prestations dans de nombreux festivals, le trio sort en 2024 son nouvel album, Death Horse Black, qu'il viendra défendre sur la scène des Lunatiques. Et oh my goodness, comme diraient les gens qui disent oh my goodness, ils l'ont bien défendu. Alors sachant que vous les avez déjà vus au Motoc. On les a vus, alors Mighty Jones on les a vus au Motoc et je crois qu'on les a vus. On les a vus ailleurs. Non, c'était la deuxième fois qu'on les voyait. Non, je dois confondre avec un autre. Mais oui, c'était la deuxième fois qu'on les voyait, ouais. Et oui, on les a vus il n'y a pas longtemps, bah, justement au Motoc 2024. Hein, donc, c'était très cool. Voilà, ça faisait plaisir de les revoir et ils sont efficaces. Moi j'ai. Alors, la team ferme les yeux. Oui, Moi j'en ai vu d'autres hein, de la team ferme les yeux. On va créer un collectif. Pour ma part, sur certains morceaux, je fermais les yeux, j'avais l'impression d'entendre du Deftones. Ah ouais? Ah ouais, carrément. Vraiment quoi, la voix du chanteur se rapprochait vraiment de la voix de Chino quoi. Et au niveau sonorité, musicale et tout, t'avais vraiment l'impression d'entendre un Deftones un peu moins new metal, mais un Deftones quoi, différent, vraiment quoi. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Enfin, sur un morceau principalement, j'ai pas le nom du morceau, hein, je vais pas faire le. Mais vraiment, sur un morceau, j'ai fait waouh, carrément quoi. Et j'ai fermé les yeux, j'ai fait ouais, trop cool. Ouais. Donc ouais. Voilà, mais j'ai vraiment apprécié quoi. Très très bon concert et très très bon groupe. Ouais, je suis d'accord, moi aussi j'ai passé vraiment un super moment. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on peut dire qu'il y a limite une configuration inversée dans le groupe. C'est-à-dire que tu as les guitares qui jouent une espèce de ritournelle qui est, comment dire, un riff qui est quasiment en boucle. Ouais. Et c'est la batterie qui va venir créer les nuances et tout ça. Ouais. Et après, par-dessus ça, tu as le petit nappage du chant. Mais des fois, j'ai presque l'impression que c'est la batterie qui est la ligne de chant qui va venir créer tout le truc. Ce qui rend l'expérience vachement bien, parce qu'il y a un chanteur qui chante, mais c'est presque mis un petit peu en retrait, dans le sens où c'est pas le leader du morceau. Et donc tu as des fois parfois l'impression que c'est presque un groupe instrumental, tellement il y a des longs moments. Voilà. Et du coup, je trouvais que c'était vraiment la batterie qui venait rythmer le tout, avec des nuances et des petits trucs. Et non, c'était super bien. C'était technique, c'était hyper cherché. Enfin, très très vraiment bonne grosse claque, bonne grosse claquasse dans la gueule aussi. Maïdijan, j'ai trouvé ça top. Musicalement, c'était top. Visuellement, c'était top. Ils étaient trois, ils habitaient toute la scène, chacun dans leur petit coin. C'était fou. Ils en faisaient pas des caisses, mais c'était ce qu'il fallait, quoi. Complètement. Donc, vraiment un putain de bon moment. Et toi, Parsi ? Alors, moi, pour tout dire, j'ai vraiment. Alors, je vais pas dire que c'est mon groupe, le groupe que j'ai préféré de la soirée, mais je crois quand même que si, parce que en fait, tout était réuni. On était bien placés. Ouais. Franchement, ils donnaient tout ce qu'ils avaient. Mmh. Et c'est vrai que. Je sais pas comment le décrire, le truc, mais c'est vrai que c'est très immersif en fait. Ouais, ouais. Et après, je pense que par contre, il faut quand même être assez, être féru de musique quand même pour rentrer dans leur truc. Mais franchement, honnêtement, le côté très technique, c'est vrai que c'est peut-être pas pour tout le monde, mais vraiment, moi, je suis rentrée dedans, j'ai plané, mais je me suis éclatée même pour faire les photos. Parce ouais. que je sais pas, il y a vraiment des moments où c'est assez calme, des moments où ça part, enfin... Il y a vraiment un rythme en fait qui est super agréable. Et donc franchement, j'ai vraiment adoré. Vous avez vraiment géré. Et j'ai trouvé que le concert était plus agréable en fait sur une petite salle. Ouais. Et sur je sais pas comment l'expliquer, mais un truc plus intimiste en fait. Et je sais pas, ça c'était vraiment vachement bien. Vraiment top. Très bon concert. Quand tu disais mieux dans une petite salle, tu veux dire comparé au Motok? Ouais, complètement. Et pourtant, au Motok, on était bien placé. J'ai beaucoup aimé le concert déjà là-bas. Mais je sais pas, je trouve qu'on rentre encore plus dans leur atmosphère en fait, en étant proche. Et voilà, ça a vraiment marché sur moi en tout cas. Ouais, non, mais ça, j'imagine bien. Ils ont joué sur quelle scène au Motok ? Et Massé, ouais. La grande scène ? Non, c'est la Dev Mustaine, la grande scène. C'était sous-tente en fait. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, non, vraiment un très bon concert. Donc aussi à noter que le public était hyper réceptif de tout ça, et vraiment très très cool. D'ailleurs, on peut en un parler. Bon public quoi. Voilà ce que j'allais dire. Ouais, on peut en parler. Vraiment un bon public jusque là en tout cas. Alors, ce qu'on peut dire par bon public, c'est-à-dire un public qui réagit comme il faut, qui est là pour la musique et qui apprécie vraiment ce qui est proposé en face de lui quoi, tout simplement. Qui va pas faire n'importe quoi. Voilà, ils vont pas commencer à faire des pogos sur My Diligence. Il n'y a pas besoin. Ou des slams sur un My Diligence. Voilà, c'est pas le but, c'est tu vois. Pas utile. Il y avait le groupe de Madcore avant, si tu voulais te taper. Voilà, là c'était complètement dans l'esprit. Hein, voilà, donc, on en a un bon public. Voilà. Et là, juste après, donc il y avait un groupe que Parsimony voulait absolument voir. Un groupe japonais, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Alors, c'est GMFTPO. Ouais. Alors. J'ai plus la déclinaison du nom. T'as plus le réel blaze. Non. Donc, ils passaient, eux, de 21h25 à 22h10, qui est un groupe de rock prog qui nous venait du Japon. Voilà, tout à fait. Rien que ça. Un groupe formé à la base en 2001, un trio japonais qui s'est séparé en 2008, avant de se reformer en 2016 à la faveur d'une collaboration au sein d'un autre projet. Le groupe a depuis tourné aux États-Unis et s'est fait annuler une tournée européenne du fait du Covid-19, forcément. Aïe, aïe, aïe. Ils ont joué au Desert Fest de New York, puis à celui d'Ancouverte en 2024. Une trajectoire atypique pour une musique qui l'est tout autant. Mmh. Sorte de rock progressif sous stéroïdes et sous acide à la fois. Waouh, le mélange. Putain, c'est vraiment dommage, quoi. Donc, notre seule certitude est que Green Milk from the Planet Orange. Ah, bah, c'est ça. Voilà. Donc, GMFTPO veut dire Green Milk from the Planet Orange. Et il ne laissera pas indifférent leur passage. Au lunatique. Au lunatique. Il y avait pas le... J'attendais que tu finisses la phrase, c'est tout pour à ça. Fait. Et donc, c'est un groupe que par si vous voulez voir, malheureusement, ils jouaient dans la petite salle. Et à peine le concert de Malédigence fini qu'on a voulu y aller et que bah c'était déjà on pouvait pas rentrer. Comme à chaque fois. Ah mais c'était fou. On a trouvé déjà. Fermé, fermé. Et on a beau, on est resté un petit peu à faire à être dans la queue, hein, toi et moi par-ci. Et on a écouté de loin, ça avait l'air vachement pas mal. Toi t'es parti téléphoner à ce moment-là, Bob. Ouais. Et du coup on a attendu un petit peu. Par-ci elle a essayé même de négocier un brin. Elle a voulu aller voir. Je peux passer, je peux passer. Et t'as pas réussi. Et c'est donc c'est là que, franchement, on aurait bien aimé y aller parce que ce qu'on entendait, c'était top. Musicalement, ça a l'air bien. Et en plus, moi, je suis dégoûté parce que ça fait partie. C'est le seul groupe sur lequel j'avais quasiment rien écouté. J'ai trouvé rien sur Spotify. J'ai pas trouvé de vrais trucs et j'ai pas cherché ailleurs. Donc j'avais vraiment envie de me dire, ah, allez, faisons le curieux. Est-ce que t'entends? Tu te dis, waouh, putain, ça a l'air trop bien, trop bien. Et malheureusement, on n'a pas réussi. Donc là, on est sorti pour aller manger un petit peu. Et on écoutait quand même de dehors, on arrivait à entendre un petit peu. La salle était à côté. Hein, voilà, la salle était juste à côté, donc on entendait. La limite de coller l'oreille à la salle en faisant la queue. C'est vrai que quand on est arrivé en début d'après-midi, milieu d'après-midi, on n'entendait pas. Mais c'est parce que la musique s'y prêtait moins aussi, quoi. Ouais, complètement. Mais là, ça s'y prêtait. Donc pendant qu'on prenait à manger, on a pu entendre musicalement ce que le groupe proposait. Je me souviens même que pendant que j'étais en train de faire la queue pour prendre un burger, il y a un mec qui dit à son pote, bah attends, je vais aller voir le groupe, ça a l'air bien. Et je fais, c'est pas la peine, gars. Tu restes là, on ne peut pas rentrer. Il fait, on peut pas rentrer. Je fais, on peut pas rentrer. Oh merde. Du coup, il a pris un burger végétarien comme moi. Voilà. La tristitude. La tristitude. Et pourtant, une fois qu'on a fini de manger, vous êtes directement parti vous placer pour Dune. Enfin non, vous êtes parti pour boire un coup. Moi, j'ai vu qu'il y avait possibilité, je suis rentré pour aller voir dans la petite salle. Donc, j'ai réussi à rentrer. Ah. J'ai rentré. J'ai investigué en me disant, allez, je vais voir, je vais me faire mon avis. Je n'ai rien vu. Ah, super. Parce qu'apparemment, il y a des musiciens qui jouaient assis. C'est ce qu'on nous a dit, ouais. Voilà, donc je n'ai rien vu. Même dans la salle. Ouais. Je n'ai rien vu, même dans la salle. Voilà. Et donc là, ce qui va nous amener tout doucement vers Dune. Exactement. Donc je te laisse en parler. Ah bah alors, je peux en parler à condition d'allumer la lumière. Et de prendre la bonne page. Alors, tu peux meubler. Hein, ah oui, pardon. Un concert que j'attendais également parce que je les avais vus au Hellfest en 2023. Et je les avais vus du coup sur la Nouvelle Vallée. Tu étais avec moi ou pas? Tu les avais vus en 2023? C'est possible. Et donc la vallée ouverte, donc forcément quelques appréhensions au moment du concert. J'avais trouvé le concert bien, mais j'avais déjà, je me souviens avoir dit, ah quand même, ça rend pas pareil, ça rend pas si bien. Donc j'avais quelques réserves sur ce concert-là. Donc là, j'attendais beaucoup de les voir enfermés dans une salle, quoi. Et que vous aussi, vous les avez vus au Motoc de cette année. C'est ça. Où vous étiez pas très bien placé pour le coup. Donc ouais, c'est vrai qu'en même temps, du coup, ça fait trois configurations différentes. Et on va pouvoir. Ah bah non, du coup. Pas complètement tout. Non, mais on peut déjà. On peut déjà en parler. Dune, eux, sont passés de 22h15 à 23h05. Ouais. Dune, c'est un groupe de sludge prog qui nous vient d'Écosse. Ça, on le sait tous. Que alors, les Écossais. On le sait tous. Oui, vous allez dire quelque chose sur les Écossais? Pardon. Vas-y, alors... Non, parce que j'ai pré-shot, excuse-moi, vas-y. Donc, les Écossais de Dune ont marqué les esprits avec leurs albums et Tamen Hanka, sorti en 2021, qui leur a permis de devenir une force sur laquelle compter dans les scènes post-prog européennes et de participer à des événements tels que le Desert Fest, l'Artangen, encore, l'Artangen, pardon, ou le Damnation Festival. En 2024, ils sortent Voldkind, pour asseoir leur statut de groupe majeur. Déjà passé en terre rennaise en 2017 au Barrick, lors d'une date organisée par les membres des Lunatiques. Dune a bien évolué depuis, tout comme le festival. Et c'est une grande, c'est avec une grande fierté, que nous les accueillons pour la deuxième fois. Et ça, bien sûr, c'est le festival qui parle. Bien sûr. Et donc, oui, Dune, car tous ces résumés sont les résumés que j'ai trouvés sur le site internet. C'est les résumés des Lunatiques. Des Lunatiques, tout à fait. Car il était plutôt très bien fait, ce site, avec toutes les informations, le running order et des résumés pour tous les groupes. Voilà. Voilà. Donc, tu voulais dire quoi sur les Écossais ? Ah bah, c'est parce qu'en fait, j'ai cru que tu allais faire une blague sur le fait que, comme on le sait tous, les Écossais parlent français parce que le groupe parle français. La blague qu'on s'était faite. Voilà, c'est ça. Après trois bières, on comprend l'Écossais. Voilà, parce que comme ils parlaient tous en français et qu'on comprenait ce qu'ils avaient dit, après trois bières, on comprend l'Écossais. Alors que c'est fou. Alors que c'est pas vrai. C'était de la bonne blague. Alors Dune, qu'est-ce que tiens, fais commencer. Tiens, on va laisser passer. Voilà, exactement. Laissez par ci. Commence par ci. Alors, Dune, ça fait un petit moment qu'on connaît Dune, on va dire. Ouais. C'est la troisième fois qu'on les voyait en concert. Donc, Toi aussi ? Ouais. Ah bah, y a un problème. Première fois, on les avait vus au Ferrailleur. Ah, donc toi, tu les as vus en 2019. Ouais. 2019 au Ferrailleur, je crois. C'était en 2019, je crois. Donc moi, je les ai pas vus au Hellfest. Je les ai vus au Motoc. Et puis ce soir. Et franchement, ce soir, c'était génial. J'ai beaucoup aimé. Après, j'étais un peu moins bien placée. J'étais pas tout devant. Donc bon, c'était moins facile pour la photo. Ouais. Mais j'ai réussi à en faire quelques-unes. Donc c'était cool. Et le concert en lui-même était très sympa. Franchement, bonne ambiance, bonne énergie aussi. Les musiciens donnent beaucoup de leur personne, tu le vois. Et ils sont à la cool, quoi. Enfin, franchement, t'as l'impression, enfin, je sais pas. Ah, je dirais pas à la cool, moi. Non, je dirais pas ça, moi. Non. Ah bon ? Ah non. Ah bah, moi, je les trouve très, très précis, très sérieux, ouais, très, très, ouais. Au contraire, moi. Hyper carré. Voilà, grave. C'est carré, c'est pas. Oui, enfin, après, je me suis peut-être mal exprimé, mais. Ah bah, je sais pas ce que t'as voulu dire alors. Ah, je me suis mal exprimée, ouais. Je me suis mal exprimée encore une fois. Mais je sais pas comment le dire, mais tu sais, ils sont dans leur truc, quoi. Enfin, oui, mais si, ils sont cool quand même. Non, mais être cool et être à la cool, c'est pas la même chose. Non. Ouais, c'est-à-dire que, en fait, quand le public criait jouer Possession, je crois que c'était ça qu'ils disaient, eux, ils rigolaient et ils faisaient des réponses à ça. Ouais. Là, ils étaient cool, mais ils n'étaient pas à la cool dans leur façon. Ah non, ils sont hyper concentrés, hyper pro, ouais, tu le vois bien, ça c'est clair. C'est hyper carré, donc il n'y a pas de. Mais c'est. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'on ressent aussi vachement tout ce qu'ils veulent nous montrer, en fait. Peut-être. On reçoit vachement. Enfin, je sais pas comment m'exprimer. Désolée, je dis de la merde. Non. Tu dis ce que tu peux avec tes mots, c'est bien. Ouais, enfin, j'ai du mal. Et donc, après, moi, ça marche toujours. Ça marche toujours sur moi, Dune. Donc, je plane, je ferme les yeux, je danse, je suis super drogue, bien. En fait. Et donc, c'est pas facile d'en parler, en fait, tellement je rentre dans le délire et... Ouais, mais écoute ça. Non, mais franchement, c'est vrai. À chaque fois, il me happe, en fait. J'arrive, je me fais totalement attraper par le truc, quoi. Donc, c'est pas si facile que ça d'en parler, en fait. Un concert que tu as bien aimé. Mais bon, j'ai adoré le concert, il était top. Est-ce que du coup, comme tu as vu quatre fois, ça serait ton meilleur concert des quatre ? Eh ben... Oh, j'en sais rien. Parce qu'au Motoc, c'était non, pas non, je pense top. Honnêtement que c'est au même niveau que My Diligence. My Diligence. Non, mais des quatre fois où tu les as vus. Alors, les trois fois où je les ai vus, la première fois que je les ai vus, honnêtement... Trois fois. La première fois que je les ai vus, j'étais comme une dingue, j'étais trop contente, c'était au Ferrailleur. Donc forcément qu'une première fois, c'est génial, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais j'en sais rien, je peux pas comparer, en fait. Ok. Mais c'était vraiment très, très bien. D'accord. C'était top. Ok, d'accord. Excepté les deux blaireaux qui sont... Ah, spoil pas, spoil pas, spoil. J'ai le droit de dire. Tu peux dire, mais il faut que tu le racontes bien. Ils étaient pas deux, ils étaient trois. Ouais. Alors, pour toi, mon bon Jack, qu'est-ce que t'en as pensé de Dune? Donc moi, c'est la deuxième fois que je les voyais. Donc comme je disais, la première fois, c'était au Hellfest. Et en fait, là, c'était incomparable. J'avais quelques réserves sur le concert du Hellfest en mode « ça manque un peu d'ambiance, de sombritude, de toit, d'une tente. » Ça manquait d'une tente, quoi. Le concert était très bien, mais ça manquait de ça pour moi. Je sentais qu'il y a des groupes comme ça qui s'y prêtent mieux. Et là, Dune s'y prêtait complètement. Et là, ce soir, on l'avait. Là, on avait vraiment tout, que ce soit leur arrivée, leur manière. C'était marrant justement de faire la grosse différence avec ma diligence qui était à trois, chacun à un endroit dans leur petit carré, on va dire. Mais ils arrivaient bien à envahir la scène et à l'habiter. Là, ils étaient cinq sur toute la scène. Un, deux, trois. Ils étaient cinq, quoi. Ils étaient cinq. Et vraiment, c'était autre chose, mais c'était une autre façon d'habiter cette scène. Et vraiment, dès qu'il est arrivé, le chanteur, et qu'il a commencé à jouer un petit peu, il y avait comme si... comme s'il était habité, enfin c'est comme si son charisme et son aura venaient nous toucher avec sa musique, et ça a tout de suite fait mouche. En plus, on n'en a pas trop parlé, mais moi je trouve que les lumières sont très très belles dans cette salle, et elles étaient hyper bien réglées sur eux, vraiment, il y avait des lights de malade. D'ailleurs, ce qui m'a fait très bizarre, c'est que je ne me souvenais pas que le bassiste était comme ça au Hellfest. Donc je me souvenais pas de ce bassiste-là. Mais... Et donc, vraiment le concert se passe très très bien. Vraiment, tout est nickel, la musique est bien, les gens réagissent bien. Tu vois, t'as des gens qui connaissent les morceaux, quoi. Je vois des gens, je tourne des têtes, je vois des mecs qui chantent les paroles, ils connaissent, quoi. C'est leur truc. Et puis, il y a un mec qui commence à traverser la scène, il passe devant moi. Je lui fais même ma petite blague habituelle en disant « c'est par là, à droite ». Et puis, je vois qu'il a pas, qu'il a il regard a pas réagi. Ailleurs. Ouais, il réagit pas, il a un sac à dos. Il a le regard hagard, même. Hein. Et puis, il a été se mettre posé plus loin. Puis après, il a été rejoint par deux potes à lui, qui avait l'air un peu fatigué pareil. Et puis le gars qui a le sac à dos commence à laisser son sac aux potes, et puis il essaye de grimper la barrière comme ça de devant, la crash barrière. Puis il n'y arrive pas trop, et puis il s'arrête. Bon, je m'arrête là. Puis après il y a son pote qui vient, lui, qui monte sur scène et qui tente de faire un slam. Il s'est vautré la gueule. Et je vais être honnête, j'étais content. Je pense que la plupart des gens devaient être contents. Ouais. Parce que faire un slam sur Dune, si c'est pas de la connerie, je sais pas ce que c'est. Ouais, je pense, ouais. Et l'autre gars, finalement, au sac à dos, qui a vu, bah dis donc, si mon pote il y va, je peux y aller aussi. Donc lui aussi il y va, et puis il est sur scène, et puis il hésite à y aller, parce qu'il y a quand même une petite distance entre la crash barrière et la scène. Et puis finalement, ses potes, bon prince, viennent essayer de le réceptionner, et lui il se casse pas trop la gueule. Il arrive à slammer, mais j'ai vu vraiment des gens faire la gueule en mode, mais t'es vraiment un sale con, mec. Et ouais, grave. Et en fait, moi, je vais le dire comme je le pense, parce que je sais, enfin, de toute manière, t'écouteras sûrement jamais ce report, gars. Et vous deux, là. D'ailleurs, la sécu les a chopés à la fin pour leur parler un peu. Mais parce que, en fait, après, moi, j'ai passé le reste du concert à les regarder un peu, en fait. J'ai regardé du coin de l'œil, ils me disaient, ils vont faire quoi maintenant? Parce que tu vois qu'ils étaient en train d'être joyeux, d'être contents. Et je voyais un gars de la sécu, en tout cas des lunatiques, vraiment, il les a regardés pendant tout le concert, il était dans le coin. Il y en a un qui est déjà venu leur parler, et il y en a un autre qui était dans le coin qui les regardait. Vraiment, ils étaient prêts à sauter dessus. Mais en fait, moi, ils m'ont fait sortir du concert, ils m'ont gâché la fin de mon concert, c'est ça le connard. Vraiment. Et ça m'a fait chier parce que, mec, t'es grand, tu gères ton alcoolémie. C'est pas parce que toi, t'as décidé d'être bourré que tu dois faire chier les autres. Et en l'occurrence là, tout le monde était dans le même mood, tout le monde était dans la même ambiance, kiffé, passé un bon moment. Et toi, t'as juste été un connard qui n'a pas compris. Vraiment, et ça c'est relou. C'est relou parce que tu gâches le concert des autres. Que tu tombes et que tu te fasses mal parce que tu as décidé de faire un slam, ça serait resté là, on serait passé tous à autre chose. Mais vous étiez à côté, vous étiez relou, quoi. Vous étiez des connards, quoi. Voilà. Voilà, ça m'a saoulé et ça m'a gâché la fin de mon concert. C'est dommage que tu n'as pas réussi à rester dedans. Bah oui, mais en même temps, il y avait ça et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui me mettait des coups de cheveux. Ouais, hein. Moi j'ai pris des coups de cheveux, j'ai pris des coups de sac, beaucoup de coups de sac, hein. Non, j'ai pas du tout réussi à me remettre dedans. Non, je les voyais sur le côté, j'attendais c'était quoi la prochaine connerie. Et toi, Bob? Mais le reste quand même largement supérieur à ce que j'ai vu au Hellfest. Voilà. Et toi, Bob? Début de concert très agréable, très cool, vraiment ce que j'en attendais en fait, hein, tout simplement. Hein. La salle, le public, la zik, le son vraiment était bon. Au début, un petit peu du mal avec le chant. J'ai vu que le chant se remettait bien sur le long. Donc, mais c'était pas la première fois que ça ouais. s'est fait. Sur My Diligence, c'était la même chose. Le chanteur, au début, je l'entendais quasiment pas. Puis après, ils ont réglé et du coup, tout était bien équilibré. C'était impeccable. Là, pareil. J'étais bien dedans. Ouais. En plus, voilà, j'avais téléphoné, j'avais des bonnes nouvelles, donc c'était plutôt cool. Donc remis dans le concert, c'était plutôt sympa. Et ouais, comme tu l'as dit, quoi. Au début, je prenais que des coups de cheveux, tout ça. Bon, je dis, bah, c'est une habitude, quoi. Voilà, dis, bon, c'est relou, c'est très relou. C'est pas agréable de se prendre des. En fait, c'est surtout il y a de la place, mais non, la personne à côté de toi va te mettre des coups de sac, des coups de cheveux. On n'a pas l'habitude que les coups de cheveux viennent d'en bas. Ben voilà, c'est ça. C'est ça. Donc c'est extrêmement chiant, mais c'est l'habitude. Donc tu te décales légèrement d'un pas. Voilà. Et puis bon après ça te recolle et puis ça vient te remettre des coups de cheveux. Mais bon, ça c'est comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave en soi, parce que c'est pas malfaisant, tu oui, vois. Voilà. C'est on sent que le bonheur est là. Voilà. Tu vois, dans cette petite personne. Quelqu'un qui profite du concert sans faire chier son monde. Voilà, ou très peu. Volontairement. Enfin voilà. Très peu. Mais c'est toujours la même personne qui a fait chier. Voilà. Ou les mêmes personnes, mais jamais vraiment. Et du coup, non, très très très sympa. Jusqu'à, oui, bien sûr, l'arrivée de ces trois gros lourdeaux là, qui ont fait chier leur monde, à gueuler, à faire. Je le sentais, lui, de toute façon, qu'il allait être un connard, hein, tout simplement. Hein. Bah, et moi, pareil, ça m'a complètement foutu hors du truc. Et du coup, j'étais entre la musique que j'appréciais et le fait de regarder à droite, voir ces gros débiles en train d'essayer de faire. De faire de la merde, hein, clairement, hein, sur un concert qu'ils auraient pu juste apprécier, tout simplement, parce que d'une, c'est un concert que tu apprécies, tu kiffes ton moment, t'écoutes ta zik, les mecs sont là pour. Enfin, c'était très cool, mais voilà, bon, bah, t'as trois connards qui ont gâché le truc. Mais c'est pas la première fois que ça arrive, hein, et, on m'a gâché un concert de Clutch, hein, il y a encore pas longtemps, comme ça, une pétasse qui a slamé quatre fois de suite, et je me suis pris quatre fois de suite sur la gueule. Voilà, c'est tout à fait dans le même style. C'est l'avion de soul qu'on appelle ça. Les trous du cul qui savent pas se gérer, quoi. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'en plus, il y a des concerts qui peuvent s'y prêter ou pas, parce que c'est vrai que je vais pas dire que c'est ce qu'on l'a déjà tellement dit dans le report, mais tu vois, le concert de Bellertag, par exemple, ça se la met de partout, mais il y avait une telle ambiance que ça s'y prêtait. Ouais, mais là, c'était bon enfant, voilà. T'avais pas le côté lourdeau, quoi, du truc. Et quoi. Que là, vraiment, quand tu vois le mec, déjà, quand il essayait de monter sur scène, je me suis dit, mais il va faire quoi? Il veut aller voir les musicos ou quoi? Non, mais quand moi je vois, aussi, il veut début. Slammer, je me suis dit, mais quoi? Mais il est fou le gars. Et j'ai vraiment souhaité qu'il tombe. Hein. En mode, mais pas méchamment, mais en mode pour dire, fais-toi remettre à ta place et que ce soit la vie qui s'en occupe. Ça va te calmer, quoi. Enfin, c'est que ce soit la vie qui te dise, tu n'as pas à faire ça. Bon, donc. Sélection naturelle. Voilà, c'est fou parce que, comme tout le monde, en fait, c'est ce qui est relou, c'est que tout le monde était dans le même mood, vraiment. C'était un mood calme, effectivement, et c'était pas le moment de faire ça, quoi. Donc, bon, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Il a gâché un peu la fin de concert, mais ça change rien que d'une, c'était excellent. Ouais, très très bon concert. Et pour vous dire, de manière, c'est quand même assez. Les concerts qu'on a regardés, on les a vraiment regardés en entier jusqu'à la dernière minute, sauf qu'on a aimé. Sauf peut-être celui du trip-hop et tout, et les autres qu'on n'a pas pu atteindre. Mais donc, c'est vraiment qu'on a eu de la grande qualité. Parce qu'on est resté vraiment jusqu'à la toute fin, même une fois que le groupe venait, par exemple pour Dune, on a même cru espérer à un moment donné qu'ils allaient qu'ils revenir. Reviennent, ouais. On a vraiment espéré, limite le chanteur est revenu en disant non, c'est fini, vraiment en mode désolé, hein, mais non. Je pense qu'il aurait aimé. Ouais, je pense aussi, ouais. Mais voilà, ouais, il y a un timing à respecter. Donc voilà, et il se trouve donc après, il restait deux concerts, et on a une heure et demie de route. En plus, il pleuvait, mais ça, on le savait pas encore, et on a dit bon, allez. Mais à chaque fois, hein, c'est marrant, à chaque fois au Lunatic, il fait beau quand t'arrives et vers 23h, il commence à pleuvoir. À chaque fois, c'est un truc de ouf. Le fait est qu'on a préféré abandonner en mode tant pis, on rentre. Restons sur la bonne image de Dune, parce que là, on allait en fait le prochain concert, on a été voir un petit peu vite fait. On s'est dit, par acquis de conscience, allez, on va quand même voir, et c'était un peu d'une espèce de new wave. On n'a pas pu plus rentrer non plus. Non, on était encore une fois dans le fond, mais on n'a pas fait la queue pour aller voir. Les gens étaient en train de partir un petit peu. C'était une espèce de new wave bleu, principalement, parce que tout était bleu. Comme les rêves. Et franchement, c'est sans regret qu'on est parti. Après, peut-être que le dernier groupe On dira pas le nom, comme ça les gens nous insulteront pas. Je l'ai dit, trop tard. Peut-être que c'était très bien, mais on a préféré rentrer, rester sur la bonne image de Dune qui était top, pas rester trois quarts d'heure à attendre, ce qui aurait pu nous flinguer le corps et l'énergie. Et puis rentrer parce qu'on avait une heure et demie de route, ce qui n'est pas tant, je le sais, mais quand même, faut le faire. Bah ouais, surtout à 3h29 du matin Non, pas tant. Ah bah c'est marqué là. Ouais, je crois pas qu'il soit vraiment ce temps-là. Et on n'a pas eu l'avis de Parsi sur les gens qui mettent des coups de cheveux et des coups de sac tout le long du concert. Parsi, t'en penses quoi de ces gens-là? Alors, écoute, moi ça me dérange pas. Étonnamment. Étonnamment. Non, je suis désolée si je vous ai mis beaucoup de coups de cheveux, c'était pas volontaire. Mais c'est vrai que pendant Dune, j'étais avec quelqu'un d'autre à côté de moi qui était chevelu également. Et c'est vrai qu'on était bien dans le délire tous les deux. Et je peux comprendre que ça peut être chiant pour les personnes qui les prennent. Non, ça va. Mais après, j'ai kiffé mon concert. Je suis désolée, les gars. Désolée, je m'excuse. Poussez-moi un peu, tu vois. Vous me poussez un petit peu. Non, on s'écarte. Hein. Enfin, moi, je m'écarte, hein. Et tu reviens toujours à la charge. J'ai des cheveux très longs, je sais. Je suis désolée. Mais j'étais dans le fond de la salle. J'étais dans la petite salle. Excusez-moi, désolé. Non, mais arrête. Mais j'arrêterai jamais ça en fait. Donc vous décalez et puis voilà. J'aime trop ça donc désolé. Mais après c'était vraiment un super concert, c'est clair. Après moi comme par rapport à vous, je me suis pas fait. En fait ça m'a pas perturbé plus que ça. Les blaireaux là qui faisaient n'importe quoi. En fait ça m'a un petit peu déconnecté. Au moment où le gars est venu, je me suis dit, oh, lui, c'est sûr, il va faire chier son monde. Mais je m'attendais à pire, finalement. Donc, du coup, voilà, j'ai réussi à rester dans mon délire du concert et apprécier quand même. Et ben, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour toi. On a de la chance. C'est dommage pour vous, par contre. Oui, c'est vrai. C'est vrai ce qu'elle dit. Mais c'était un très bon festival. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est quali, hein. Vraiment, les lunatiques, oui. Ils ont des supers affiches. Hein. Alors, on arrive à une portion un peu relou. Un peu bâtarde. Où on va pas... Oui, c'est pour indiquer où ne pas rouler. Donc j'essaye de passer entre eux. C'est un test, en fait. Putain, 50 quand même. Hein. Ouais, là, fais gaffe, là, ce qu'en fait. C'est des travaux, c'est un grand classique. De la route, hein. De la route, hein, les travaux. Bon, t'arrêtes pas, toi, gamin. Oh. Et après, Graf Cult. Moi, je connais pas du tout, donc du coup, pas vraiment de regret de pas d'être parti plus vite parce que je sais même pas ce que j'ai loupé. Oui. Un groupe de black and roll, apparemment. Après, on était avec Seb et Seb nous a dit, je les ai vus, c'est bien, ça vaut pas de... Comme il nous a dit, ça justifie pas forcément de passer après Dune qui était top, en gros. Ouais, voilà. C'est ce qu'il avait l'air de dire. Seb, de son côté, lui, c'est pareil, il est parti. Il est parti aussi, pour vous dire. Donc, voilà. Mais et pourtant, il a moins de route que nous. Hein, ouais. Donc, Mais on va laisser Parsi meubler un petit peu pendant ce passage de roue. Hein, parce que là, je suis concentré un peu. Ouais, là, il panique. Je panique pas du tout, mais c'est juste que j'essaye d'être concentré. Parce qu'à un moment donné, ils vont nous ramener sur notre voie quand même. Oui, c'est prévu normalement. Donc, c'est plus ça. Donc voilà, moi, je pense qu'on a dit. Les grandes lignes, vraiment. J'ai parlé pour un peu en découverte, mais non, je suis concentré sur la route. En fait, une comparaison par rapport à l'année dernière, allez-y, je vous écoute. Par rapport à l'année dernière, ça s'est un petit peu passé pareil, sauf que l'année dernière, on n'a pas eu le droit à la viande soul, donc c'était encore plus cool, vraiment on a passé que des bons moments. C'était la troisième fois que vous y alliez, non? Là cette année c'était la troisième fois qu'on faisait les lunatiques. Non, troisième. Bah oui. La première on a vu Clone Psycup. La deuxième on a vu, je ne me rappelle même plus. Qu'est-ce qu'on avait vu la deuxième? Voilà, oui, tout à fait, Birds in Row et Psychonaut. On a vu Palooza, on a vu pas mal de super bons groupes. Non, franchement, ils ont des très bonnes affiches à chaque fois. C'est très calme. Non, c'est la troisième fois. On a vu Apalooza aussi. Oui, mais ça, c'était la même année que Psycup et Clone. Mais oui. Non, c'est la troisième fois qu'on les fait. Non, c'est que la troisième fois. C'est déjà pas mal parce qu'en vrai, ça permet d'avoir un avis. Et non, bah, du coup, vous avez vu une évolution dans les Eh ben, il n'y a pas réellement d'évolution parce que. Là, ouais, voilà, en fait, la seule évolution qu'on peut voir, c'est que vraiment, il commence à se faire un petit nom et puis qu'il va falloir faire autrement parce que bah, là, ils ont fait sold out pour le samedi, donc plutôt cool pour eux. Oui, très cool. Et je pense que. Un peu moins cool pour nous, malheureusement. Ouais, voilà, ouais. Mais non, je pense que l'année prochaine sera la même chose. Ils vont nous proposer une petite affiche sympa. Je pense que les programmateurs de l'affiche des Lunatiques sont des gens de bon goût, hein, tout simplement. Oui. Hein. Donc voilà. Oui, parce que l'affiche était très cohérente dans ce qu'on a vu. Ouais, complètement. Même si on n'aime pas tout. Et à chaque fois, ils essayent de proposer quelque chose. Je me rappelle l'année dernière, le groupe qu'on avait vu, la jeune femme, là, toute seule. Hein ? C'est ça, tout à fait, ouais. Qui était un peu électro, et je pense qu'avec le groupe basque, on était un petit peu dans le même esprit, quoi. Il y a toujours une espèce de petite proposition qui se fait à la façon un peu motoc, qui propose des groupes un peu rigolo. Eux, ils proposent des groupes différents. Point mort, c'était Psycup aussi, ouais. Ouais. Complètement. Ah non, cette année-là, on avait eu le droit à Point mort, Appalooza, Psycup, Clone. Tu vois, comme quoi, voilà quoi. Ouais. Ils n'ont pas à rougir. Et les stands étaient. Vous disiez donc les stands. Alors, Parsi disait que les stands avaient l'air d'être un peu plus. Alors, je sais pas comment tu disais, mais que c'était pas comme l'année dernière. Je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il y avait moins de personnes. C'était des plus grands stands en fait, pour chaque personne. J'ai eu cette impression là, mais peut-être que je me trompe. Hein. Mais j'ai eu l'impression simplement que les stands étaient plus grands pour chaque artisan. Et qu'il y en avait un peu plus la dernière fois, mais après c'était une impression. En parlant d'impression, on n'en a pas parlé, mais il y a une espèce d'atelier où tu pouvais venir sérigraphier ton propre t-shirt. Ouais. En fait, tu pouvais le floquer. C'est vrai. Et donc c'était, je suppose, de ce que j'ai compris, parce qu'on n'a pas du tout investigué là-dessus. Ouais, c'est vrai. De ce que j'ai cru comprendre, en fait, c'est le t-shirt des Lunatiques que tu achètes, mais en fait, tu viens le faire toi-même. En fait, ouais. Tu viens le sérigraphier dans un petit atelier qui est juste à côté. C'est plutôt une très bonne chose à noter, quoi. Ouais, c'est ça. On va voir l'année prochaine. Prendre un t-shirt. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui est devant nous? C'est un camion citerne. Ah oui. Avec une citerne. Du coup, j'aimerais bien le. Et devant un camion. Le côté citerne. Putain. Donc voilà. Voilà. Excusez-moi. T'étais concentré sur ton doublage. Ouais. Non, parce que je voulais pas rester derrière et prendre toute la flotte. C'est très très désagréable, ça, c'est clair. Donc voilà, je pense qu'on a. On a plus ou moins fait tout notre soirée. Hein, voilà. Oui, moi j'ai trouvé que c'était très bien comme. Comme petit festival, malheureusement, je continue de conduire, donc j'arrive beaucoup moins bien à parler parce que là, pour le coup, la visibilité est moindre. Est moindre, hein. Comme disent les gens qui disent. Tiens, regarde, c'est mieux ça. Et c'était très bien. Forcément, je vois les petits côtés négatifs parce que je suis une raclure, mais la petite salle qui est trop petite. Les gens qui te connaissent savent. Oui, voilà. Mais sinon, pour le reste, les gens étaient tous très sympas. Même les bénévoles, tout le monde avait plus ou moins le smile. Donc vraiment, non, c'était très, très bien. Et moi, je recommande aux gens de venir au Lunatique. C'est vrai que vous m'aviez dit que c'était bien. Seb avait dit que c'était très bien. Donc non, c'est un très bon petit festoche qui a une très, très belle affiche. Donc faut toujours venir soutenir... Les petits festoches qui ont une belle affiche. Ouais, non, mais qui se battent en fait pour faire vivre la musique dans ce pays, bordel. Zach. Ouais, non, c'était très très sympa. Et puis maintenant, on va se rentrer et faire des petits dodos quand même. Hein. Je pense qu'on va en faire des petits, ouais. Donc ça écoutez, on espère que malgré le côté un peu. À la route, là vraiment, ça a été pas trop inintéressant. On est désolé pour le côté conduite en même temps. On essaye de. C'est pas vous proposer des nouvelles choses pour le coup, c'est de vous proposer quand même des choses dans différemment. Voilà, le fait est qu'on sort vraiment du truc, donc vous avez eu vraiment tout ce qu'on a eu. Je pense que je ferai pas de montage pour le côté rigolo. Vous savez comment on est maintenant. Et puis bah, on vous dit à la prochaine pour, bah, je ne sais pas, une interview, une émission, autre chose. On va savoir ce qu'on va faire. Un festival. Bah peut-être, on sait ou pas. Ou un petit festi-concert. C'est vrai qu'on a potentiellement un concert la semaine prochaine, mais on sait potentiellement. Pas. Potentiellement. Peut-être que des personnes s'en chargeront et peut-être que d'autres ne s'en chargeront pas. Voilà. On verra. Ah oui, peut-être, il y a ce truc-là. Oui, mais ça... ça, on en parlera sur le tas. Voilà. Eh bien, merci Bob, merci Percy. Merci Jack. Ouais, merci. C'était fort sympathique et puis bah, on se dit à très bientôt, non? Eh bien, exactement. Salut. Salut, au revoir les gens, des gros bisous. Allez, des bisous. Des bisous.